Chapitre 5. La révélation. Quand Givry se releva, il vit que le visage de l'abbé Patrice, si tourmenté tout à l'heure, revêtait une expression de calme, de sérénité, de paix. Déjà Martine s'activait aux préparatifs funèbres, et Roselin, sortant de la chambre, alla dans le petit jardin, se promena lentement par les allées bordées de buis. Quel mortel souci dans son âme! Tout à l'heure, Hervé allait venir, vibrant d'émotion à l'idée de retrouver son père adoptif, et il ne verrait qu'un cadavre. Certes, l'abbé en avait dit assez pour que le jeune homme maintenant connût son nom, sa famille, ses origines, mais hélas, que de choses pénibles à lui apprendre. Son père assassiné par sa seconde femme à l'aide d'un amant. Et par-dessus tout, son union avec Violaine, impossible, sacrilège, impie. N'était-il pas le frère de la demoiselle de Mobilliers? S'il n'avait pas la même mère, Hervé et Violaine avaient le même père. Un abîme infranchissable se creusait entre eux. Cependant, ce nom de Mobilliers que portait la jeune fille, sans doute une habitude, vieille de 20 ans, de désigner Violaine du nom de son parâtre, du mari de sa mère, de l'homme qu'il avait élevé depuis sa naissance. « Oui, c'est cela, » se dit Roselin. « Évidemment, malédiction. Mon pauvre Hervé est capable d'en perdre la raison, de se livrer à quelque folie quand il saura. Comment lui dire? Quand lui révéler cet horrible secret? » Belcoeur, bouleversé, cherchait vainement le moyen de dénouer cette fatalité, cette tragédie. Il se disait « Et cette dame de Mobilliers que j'ai vue, en son hôtel, faible, maladive, toujours souffrante, si belle encore, ce serait cette Christine, ce monstre? Elle pourrait être la mère de cette adorable créature qu'est Violaine? Oh, abomination !» À ce moment, il entendit un galop de chevaux devant la maisonnette. Il courut vers la porte, arriva à temps pour recevoir dans ses bras Hervé, qui se hâtait, en proie à un trouble indéfinissable. « Mon père, où est-il ? » demanda le jeune homme. « Du courage, mon ami !» murmura affectueusement Givry. « Trop tard. Le saint homme a expiré, il y a une heure à peine. « Oh !» jeta Hervé avec douleur. « Trop tard. D'une heure, Dieu ! C'est injuste et cruel. Alors que je l'avais retrouvé. » Et frémissant, il entra dans la pauvre chambre où reposait le corps de l'abbé Patrice. Pleurant, le jeune homme embrassait le cadavre. Il l'appelait, lui prodiguait de tendres paroles, lui tenait des propos tels que si le défunt eût pu l'entendre, lui répondre, le rassurer. Ensuite, brisé par le chagrin et la fatigue de ses courses héroïques à travers la nuit, il s'abattit et demeura prostré comme mort lui-même. Roselin respecta longtemps cet accablement. Enfin, il s'approcha de Hervé, lui toucha doucement l'épaule et lui dit « Suis-moi, j'ai à te parler. » C'était la première fois que Givry tutoyait son ami. Celui-ci, docile comme un enfant, se leva et marcha, soutenu par le capitaine, qui l'entraîna au jardin. Là, il le fit asseoir sur un banc et lui prenant les mains dans les siennes. « Hervé, l'abbé Patrice m'a révélé de graves événements. Je sais quel est ton nom, quelle est ta famille. »« Ah ! » fit le jeune homme, « cela ne me touche plus. Ayant perdu le seul être qui m'est aimé, rien ne saura plus m'émouvoir désormais. » Roselin était décidé à porter un grand coup à Pont-Réal, à profiter de son état d'abattement pour tout lui révéler, en une seule fois. Le choc serait moins rude, peut-être, que s'il attendait que le jeune homme eût surmonté sa douleur. Aussi, avec une douceur de femme, de mère, il reprit, s'asseyant près de son ami, « Cher enfant, tu prétends n'avoir été aimé que de ton père adoptif. Est-ce exact? N'est-il pas une autre personne qui t'aime et que tu aimes ?»« Violaine !» s'écria Hervé. « Mais en quoi serait-elle touchée par les révélations de l'abbé Patrice ? Elle l'est, cruellement. Et tu dois t'armer de tout ton courage, de toute ta volonté, pour supporter l'immense douleur qui va te frapper encore. Oh, tu me fais peur. Parle vite, Roselin. Qu'y a-t-il ? » Il y a que tu dois renoncer à Violaine. Jamais, cria Hervé. Il le faut. Jamais, jamais. Ma seule joie, mon seul espoir, désormais, c'est elle, elle. Ne le comprends-tu pas? Il le faut, répéta gravement Givry. Et pourquoi? Ton père s'appelle le sire Ludovic de Briancourt. Et que m'importe? fit Hervé avec exaltation. « Dis-moi, pourquoi devrais-je renoncer à l'amour de Violaine de Mauvilliers ? Il n'y a pas de Violaine de Mauvilliers. Quoi ? » s'exclama Pontréal. « Mais tu es fou, Roselin. Ce n'est pas là son nom, » répéta tristement Givry. « Comment s'appelle-t-elle alors ? » ?»« Violaine de Briancourt. Comme moi, comme toi, et je suis son frère, mon pauvre cher enfant. » Hervé, à ces mots, jeta un cri éperdu et retomba inanimé sous l'écroulement de son rêve. Roselin l'étreignit, lui prodigua d'affectueuses paroles. Mais Hervé n'entendait pas, n'entendait rien. Après les hommes, le funérailles de l'abbé Patrice, Belcoeur regagna, anxieux, l'hôtellerie des Trois Rois Mages. Il alla aussitôt retrouver Pontréal et le trouva enfoncé dans un grand fauteuil et réfléchissant sombrement, le front dans ses mains. Auprès de lui, Agrippa lisait avec calme. À la vue de Givry, Hervé se leva vivement. « Ah, mon ami, vous, enfin !» Belcoeur, ayant serré la main d'Agrippa, embrassa affectueusement Hervé et demanda d'une voix émue « Eh bien, mon pauvre enfant, comment es-tu » Et ce n'était pas étrange ni ridicule d'entendre ce jeune homme de 22 ans appeler mon enfant, quelqu'un qui n'avait que 2 années de moins que lui. On sentait chez Givry une âme déjà trempée, un caractère familier avec la vie et ses cruautés, pour les avoir déjà subies. Tandis que maintenant, Pontréal donnait l'impression d'un être faible, ayant besoin de soutien et d'appui. Aux paroles de Roselin, Hervé répondit avec des larmes. « C'est fini. N'est-ce pas que vous me comprenez, vous ? Que vous me laisserez me tuer ? Oh, Hervé ! Jamais je ne consentirai à te voir commettre une lâcheté. Et te tuer en serait une, la plus vile de toutes. Tu as un devoir à remplir, un devoir sacré. Lequel donc ? S'écria Pontréal. Venger ton père assassiné. » Le jeune homme eut un geste d'indifférence. Tu le dois, déclara Givry avec force. On est solidaire de ceux qui vous donnent la vie. Moi, qui fus abandonné par mes parents, je n'ai pas à venger leur mémoire, ni à me déclarer responsable de leurs actes. Malheureux ! Ne blasphème pas ! S'écria Roselin. Ce n'est pas ta mère qui t'a abandonné. Elle mourut en te donnant le jour. Quant à ton père, on profita de son absence pour essayer de t'empoisonner. L'abbé Patrice te sauva, et à son retour de voyage, ton père te crut mort. D'ailleurs, il tomba tout de suite sous les coups de ses assassins. Hervé, frémissant, écoutait. Il baissa la tête. « Tu vois, reprit le baron, que tu accuses à tort. » Alors, Pontréal, relevant le front, prononça d'une voix solennelle. « Eh bien, soit. Mettez-moi maintenant au courant de ce que vous avez appris. Je veux tout savoir, pour que ma pensée n'hésite pas, pour que mon bras soit fort. »